Chapitre 4. Il arriva ce lendemain. Mais quelle nuit dans cette auberge des Rissards! Une seule chambre pour 8. Des grabats où l'on aurait pu se livrer à une chasse plus fructueuse que sur les terrains réservés de la commune. D'odieux parasites, fraternellement partagés avec des chiens, couchés près des lits et qui se grattaient à faire trembler Planchet. Et moi qui avais naïvement demandé à notre hôtesse, vieille picarde à tignasse rebelle, s'il n'y avait pas de puce dans son dortoir. « Oh non !» m'avait-elle répondu. « Les punaises les mangeraient. » Là-dessus, je m'étais décidé à dormir, tout habillé, sur une chaise bancale qui geignait à chaque mouvement. Aussi me sentais-je moulu quand se fit le jour. Naturellement, je fus le premier levé. Bretignot, Matifa, Poncloué, Duvauchel et leurs compagnons ronflaient encore. J'avais hâte d'être en plaine, comme ces chasseurs inexpérimentés qui veulent partir dès l'aube, même avant d'avoir mangé. Mais les maîtres de l'art, que je réveillais respectueusement l'un après l'autre, calmèrent en bougonnant mes impatiences de néophyte. Ils savaient, les malins, qu'au jour naissant le perdreau dont les ailes sont encore humides de rosée est très difficile à approcher et que s'il s'envole, il ne se décide pas volontiers à se remettre dans les couverts. Il fallut donc attendre que toutes les larmes de l'aurore eussent été bues par le soleil. Enfin, après un déjeuner sommaire suivi de l'inévitable coup du matin, on quitta l'auberge en se grattant aux jointures. Puis on se dirigea vers la plaine, où commençaient les terrains réservés. Au moment où nous atteignions cette lisière, Bretignot, me tirant à part, me dit « Tenez bien votre fusil, obliquement, le canon dirigé vers la terre et tâchez de ne tuer personne. » « Je ferai de mon mieux, » répondis-je sans vouloir m'engager. « Mais à charge de revanche, n'est-ce pas ?» Bretignot haussa dédaigneusement les épaules. « Et nous voilà en chasse, chasse libre, chacun à sa fantaisie. » C'est un assez vilain pays, cet Hérissard, dont la parfaite nudité ne justifie pas le nom. Mais il paraît que s'il n'est pas aussi giboyeux que Mons ou Vaudrey, les forts étaient bien fournis. Qu'il y avait du lièvre, disait Matifa, et qu'on avait vu s'y flatter plus que de 12 à la douzaine, ajoutait Poncloué. Avec la perspective de si beaux coups à faire, tous ces braves gens étaient de bonne humeur. On allait donc. Un temps superbe, quelques flèches de soleil perçaient les brumes matinales dont les volutes se massaient à l'horizon. Des cris, des pépiments, des gloussements partout. Il y avait de ces oiseaux qui, s'élevant du sillon, montaient droit dans le ciel comme des hélicoptères dont le ressort est lâché subitement. Plus d'une fois, incapable de me maîtriser, j'avais vivement épaulé mon fusil. « Ne tirez pas ! Ne tirez pas !» me criait l'ami Bretignot, qui m'observait sans en avoir l'air. « Pourquoi ? Ne sont-ce point d'écailles ? Non, des alouettes ! Ne tirez pas !» Il va sans dire que Maximon, Duvauchel, Poncloué, Matifa et les deux autres m'avaient jeté plus d'un regard de travers. Puis, ils s'étaient prudemment écartés avec leurs chiens, qui, le nez bas, quêtaient au petit trot dans les luzernes, les sainfoins, les trèfles, et dont les queues retroussées frétillaient comme autant de points d'interrogation auxquels je n'aurais su que répondre. J'eus la pensée que ces messieurs ne se souciaient pas de rester dans la zone dangereuse d'un novice, dont le fusil les inquiétait quelque peu pour leur tibia. « Sacrebleu, tenez donc bien votre fusil !» me répéta Bretignot au moment où il s'éloignait. « Et je ne le tiens pas plus mal qu'un autre !» répondis-je, un peu agacé par ce luxe de recommandation. Une seconde fois, Bretignot haussa les épaules et obliqua à gauche. Comme s'il ne me convenait point de rester en arrière, je pressais le pas.